إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكل شر في العالم فهو السبب فيه والمحرض عليه. وإن من أعظم صفات الشيطان وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا الوسوسة. القلب يكون فارغا من الشر والمعاصي، فيوسوس الشيطان إلى العبد بالذنب ويصور له ويزينه فيصير شهوة حينئذ. فالمؤمن إذن في جهاد مع الشيطان وحزبه. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عز من قائل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك فهو يبعث في ذلك جنوده ويبعث معهم مددا وعونا يزينون للعباد الكفر والشرك والبدع والمعاصي. يقول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى مخالفة أمر الله عز وجل. كلما فتروا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وآثرتهم. أيها المسلمون، أصل كل بلاء ومعصية إنما هو من وسوسة الشيطان. ولهذا أنزل الله عز وجل سورة كاملة تحدثنا عن هذا الوضع. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان يزين للعباد المعصية ويلقيها في قلوبهم، ثم يجتهد في كشف ستر صاحبها وفضيحته وإذاعته. يخبرنا الله عز وجل عن ذلك حكاية عن إبليس اللعين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Chers musulmans et musulmanes, sachez, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le diable parcourt l'être humain comme le sang coule dans ses veines. Et il n'y a pas un mal sur terre sans que le diable n'en soit la cause et n'en soit le principal promoteur. Et parmi les plus grandes caractéristiques du diable, et parmi ses caractéristiques les plus redoutables, et celles qui ont le plus grand impact sur l'être humain, sans aucun doute, il y a les insufflations sataniques, les suggestions sataniques. Le cœur, qui, à la base, est pur de tout péché et de toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le diable vient lui suggérer, vient suggérer au serviteur de commettre le péché. Il présente ce péché sous une belle forme et n'hésite pas à l'embellir. Et chose qui était inexistante dans le cœur de ce serviteur devient par la suite une obsession. Le croyant est donc en constant combat et en perpétuel combat avec le diable et son parti. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Fatir, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de l'enfer. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dans Sourate Yassin, ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Le diable ainsi envoie son armée et ses soldats, avec eux de quoi convaincre, de quoi influencer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur font embellir la mécréance, ils leur font embellir le polythéisme, ils leur font embellir les innovations, de même qu'ils leur font embellir toutes les formes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit à ce sujet, selon le sens, n'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les incitent furieusement à désobéir? Chers musulmans et musulmanes, la base de tout mal sont les suggestions sataniques. Allah Azza wa Jalla a révélé une sourate entière à ce sujet, qui est sourate les gens, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, je recherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, c'est-à-dire le diable, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Le diable embellit donc les péchés aux serviteurs et inculque cela dans le cœur du musulman. Puis, le diable travaille afin que ce péché soit découvert par les autres. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous cite cela dans des paroles très claires et très sages. Lorsqu'il nous dit, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache le péché des gens. Et le diable, lui, travaille afin que ses péchés soient connus de tout le monde. Le serviteur pense donc que Allah Azza wa Jal est le seul qui a connaissance des péchés qu'il commet. Mais il oublie que le diable œuvre afin que ses péchés soient connus des gens. Et peu de gens sont attentifs à ce point. Allah Azza wa Jal nous informe au sujet du diable en disant, selon le sens, en parlant du diable lorsqu'il dit, Allah Azza wa Jal, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai assurément en travers de ton chemin droit, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. وإذا كان هذا شأن الشيطان فإن الخلاص منه لا يكون إلا بمعونة الله عز وجل وتأييده وإعانته فعلى العبد أن يحقق التقوى وأن ينفذ أوامر الله عز وجل قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقاعدة جليلة قاعدة النجاة يقول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فعلى العبد إذن أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب التي تسلط عليه الشرور والآلام وعليه أن يقبل على الله عز وجل فإن سبيل النجاة بالإقبال على الله والإخلاص له يقول الله تعالى عن عدوه إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن السبب الأقوى لدفع شرور الشيطان أن يعتمد العبد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يفوض أمره إليه، فمن توكل على الله كفاه ووقاه من كل ما يؤذيه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'étant donné que la situation du diable est ainsi, le diable qui s'efforce par tous les moyens qui sont en sa possession de détourner le serviteur d'Allah, de lui faire embellir le faux afin qu'il fasse partie des gens de la fournaise. Le cas du diable étant ainsi, le seul moyen de s'en prémunir, où l'on ne peut s'en prémunir qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et le soutien du Seigneur de l'univers, le musulman se doit donc de craindre Allah azza wa jal, d'accomplir ses obligations et de délaisser les interdits d'Allah azza wa jal. Il dit subhanah, selon le sens, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir, c'est-à-dire le diable, que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent mécréants à cause de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une règle extrêmement importante en islam, la règle qui te permet de survivre, la règle qui te permet de bénéficier de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son soutien. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. C'est-à-dire, ne transgresse pas les limites qu'Allah azza wa jalla a tracées. Ne désobéis pas à Allah azza wa jal. Fais ce qu'il t'ordonne d'accomplir. Et Allah azza wa jal te protégera. Et Allah azza wa jal sera ton soutien. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, nous repentir à Allah azza wa jal de nos péchés. Ces mêmes péchés qui ne font que nous apporter mal et soucis. Nous devons nous en remettre à Allah Azza wa Jal en toute sincérité et de façon totale. Il dit Azza wa Jal en parlant d'Iblis, le diable banni, lorsqu'il a dit par ta puissance, c'est-à-dire dit Iblis, je les séduirai assurément tous, c'est-à-dire je séduirai tous tes serviteurs, puis exception faite, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Parmi les causes les plus fortes qui permettent aux musulmans de repousser le mal du diable de lui, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de placer sa confiance en son Seigneur et de s'en remettre à Allah azza wa jal dans toutes ses affaires. Car celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffira. Celui qui s'en remet à Allah azza wa jal, Allah Azza wa Jal le préservera de toute nuisance et de toute chose nuisible. Il dit subhanah, selon le sens, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ayyuha al-muslimun, thumma a'lamu anna al-abda ya'tasimu min al-shaytan wa yastadfi'u shururahu wa yataharrazu min adrarihi bi asbabin mufassalah. أحدها الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به والتحرز بجنابه من الشيطان، فهو سبحانه الذي يعصم عباده ويمنعهم من شرور الشيطان وكيده. أما السبب الثاني قراءة سورة الفلق والناس، ففي الحديث عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال لعقبة: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتهما، أي بقراءة سورتي الفلق والناس مع سورة الإخلاص وآية الكرسي، وآية الكرسي في دبر كل صلاة. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن يقرأهما مع سورة الإخلاص 3 مرات حين يمسي وحين يصبح، فإنها تكفيه من كل شيء. والحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده، يفعل ذلك 3. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le serviteur se doit de se protéger, de se prémunir du diable. Et il y a de nombreuses causes qui permettent d'arriver à ce but. La première est de demander la protection d'Allah contre le diable. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Cherche le refuge auprès d'Allah. Remets en toi à Allah Azza wa Jal pour te protéger du diable, car Allah Azza wa Jal est celui qui protège et celui qui permet aux serviteurs d'être prémunis et d'être éloignés du mal du diable ainsi que de ses ruses. La deuxième de ces causes est la lecture de Sourate Al-Falaq et Sourate Al-Nas. Dans le hadith de Uqbah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Veux-tu que je t'informe de la meilleure formule qui permette de te protéger, la meilleure formule que disent ceux qui demandent la protection, c'est-à-dire d'Allah ?» Il a dit: oui, bien sûr, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ et قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Rapporté par Muslim. Et il a rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de lire Surat al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, ainsi que le verset du repose-pied Ayatul Kursi après chaque prière. De même qu'il a été rapporté de façon authentique, ou dans un hadith jugé bon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abdullah ibn Khubayb de réciter قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ainsi que قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ainsi que Sourate Al-Ikhlas à 3 reprises, le matin et le soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Khubayb: si tu fais cela, elles te suffisent pour toutes choses. Et Al-Bukhari Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous s'en va dormir, qu'il poustillonne dans ses mains en lisant قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, qu'il lise قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, puis qu'il poustillonne sur ses mains et qu'il essuie avec ses mains son visage et tout ce que ses mains peuvent atteindre de son corps, et qu'il fasse ainsi à 3 reprises. C'est-à-dire qu'ils lisent une deuxième fois, قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Puis qu'il poustillonne sur ses mains, qu'il en essuie son visage et tout ce que ses mains peuvent atteindre de son corps. أما السبب الثالث قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وجاء في صحيح البخاري في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الذي كان يحثو من طعام الصدقة وفي القصة قال أي هذا الرجل الذي كان الشيطان وجاء بسورة آدمي قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Le troisième moyen de se prémunir du diable, de ses ruses et de ses insufflations ainsi que de ses suggestions sataniques, la lecture du verset du repose-pied, qui est la parole d'Allah Azzawajal selon le sens. Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste à lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son repose-pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui cause aucune peine, subhanahu wa ta'ala, et il est le très haut et le très grand. Et dans le sahih de l'imam al-Bukhari, dans l'histoire d'Abu Huraira radiallahu anhu, avec cet homme qui a volé à trois reprises de la nourriture, de la zakat, et à la troisième fois, Abu Huraira radiallahu anhu a pris la ferme résolution d'apporter cet homme et de le déférer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme de lui dire de ne point faire, et que s'il ne le ramène pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui apprendra une chose bénéfique. Et il lui dit que lorsque tu vas dormir, lis le verset du repose-pied. En lisant le verset du repose-pied, Allah Azza wa Jal ne cessera d'être ton protecteur et le diable ne t'approchera pas jusqu'au matin. Abu Huraira radiallahu anhu a alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses paroles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les approuver en disant « Il a dit vérité, il a dit vrai alors que c'est un menteur, cet homme était un diable. C'était un diable qui était venu à Abu Huraira radiallahu anhu sous apparence humaine. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. » الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تزاحموا تقاربوا بارك الله فيكم فإن إخوانكم عند الباب rapprochez-vous s'il vous plaît et serrez-vous autant que possible car vos frères sont à l'extérieur de la mosquée. ثم اعلموا أن من أسباب التحرز من الشيطان قراءة سورة البقرة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وفي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة هم السحرة. السبب الخامس قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، وفي الصحيحين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل ما يؤذيه ويضره. وفي حديث آخر وهو حديث حسن رواه الترمذي، فلا يقرأ القرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. وأما السبب السادس من أسباب التحرز من الشيطان، المحافظة على الأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقبة، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. إن هذا الحديث لحديث عظيم. أن تحافظ أيها المسلم على هذا الحديث وعلى هذا الذكر في صبيحة كل يوم 100 مرة، فتفوز بهذا الأجر العظيم وبهذه الفوائد العظيمة. ومن ذلك أيضا أن يحافظ العبد على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المحافظة على الدعاء الوارد حينما يدخل بيته وحينما يريد أن يأكل طعامه من التسمية والحمد في آخر الطعام. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les causes qui permettent aux musulmans de se prémunir et de se protéger du diable et de son mal, la lecture de Sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes, et une maison dans laquelle est lue Sourate la vache, le diable n'y entre pas. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam: lisez Sourate Al-Baqarah, Sourate la vache, car le fait de la lire est une bénédiction, de la délaisser est un regret, et ne peuvent la supporter les sorciers. Parmi les causes également, la lecture des 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah, Sourate la vache. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui lit, c'est-à-dire les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah, le soir, elles lui suffisent. C'est-à-dire, elles lui suffisent pour le protéger de tout ce qui pourrait lui nuire ou lui porter préjudice. Parmi les causes également, qui est une cause immense d'être protégé du diable, le fait de prendre soin de bien dire les rappels et les évocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rappels à dire à tous les moments de la journée. Dans Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nul ne mérite d'être adoré autre qu'Allah, seul, sans ne rien lui associer. Lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté, à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toute chose. Celui qui dit cela 100 fois par jour revient à avoir affranchi 10 esclaves, et lui seront inscrits 100 bonnes actions, lui seront effacées 100 mauvaises actions. Et ces paroles seront pour lui une protection contre le diable durant toute cette journée jusqu'au soir. Et personne n'aura accompli une œuvre meilleure que lui, sauf un homme qui aura dit cela plus de fois que lui. C'est un hadith immense que nous enseigne ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman se doit donc d'être attentif et d'être pointilleux, et de respecter scrupuleusement ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces évocations et ces rappels sont pour le musulman comme une citadelle qui le protège de ses ennemis, qui le protège des flèches empoisonnées du diable. Que dire d'un homme qui se jetterait devant son ennemi armé jusqu'aux dents, sans aucune protection, sans armure, sans bouclier, sans casque? Combien de temps résistera-t-il avant de succomber devant son ennemi? Ainsi est le musulman. Un musulman qui n'évoque pas Allah Azzawajal, un musulman qui ne se protège pas, est un musulman qui se livre au diable, est un musulman qui sera la proie la plus facile au diable et qui fera de lui ce qu'il voudra. واما السبب السابع وهو من اعظم ما يتحرز به العبد المحافظه على الوضوء والصلاه لا سيما الصلاه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاه ذات خشوع وخضوع لله عز وجل لا صلاه النقر حينئذ المحافظه على ذلك لا سيما عند ثوران قوة الغضب والشهوة فإن الوضوء ينفع في ذلك نفعا عظيما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ولهذا من الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن من غضب له أن يتوضأ لأن الشيطان خلق من نار فناسب أن يتوضأ العبد عند الغضب أو عند اشتداد الشهوة. Puis sachez que parmi les causes également, et l'on terminera par celle-ci, qui permettent aux musulmans de se protéger du diable, le fait de préserver sa prière et de l'accomplir de façon scrupuleuse et de façon pertinente, de même que les ablutions. Notamment, lorsque le musulman accomplit sa prière, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant dans le fond que dans la forme. Ainsi, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une prière pleine d'humilité, une prière dont chaque geste était ajusté comme il le fallait. Chaque geste et chaque pilier et obligation de la prière sont accomplis de façon plus que convenable. La prière accomplie de façon pertinente, tant dans le fond que dans la forme, dans le fond en étant concentré, en étant humble, en s'humiliant devant Allah subhanahu wa ta'ala, non la prière du distrait, et dans la forme, non pas une prière qui ressemble à un exercice physique plus qu'une prière. Non pas une prière comme l'a comparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la prière du coq, une prière qui est accomplie de façon extrêmement rapide, sans que le musulman ne respecte l'apaisement et le recueillement, ainsi que la quiétude qu'il se doit d'avoir durant les différentes postures de sa prière. À ce moment, cette prière sera pour lui une protection et il en goûtera les bénéfices et profitera de ses fruits bénéfiques. Il dit subhanahu wa ta'ala, et cherchez l'aide dans la patience et la prière. Certes, la patience est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Et concernant les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque la personne est prise de colère, qu'elle se doit de faire ses ablutions, car la colère provient du diable, et le diable est créé de feu. Ainsi, il est convenable et fortement recommandé pour celui qui s'énerve d'accomplir ses ablutions. Et il nous informe également, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est debout est énervé qu'il s'assied, celui qui est énervé en étant assis qu'il s'allonge, ceci fera disparaître ce qu'il ressent. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين ليس للشيطان لهم سلطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.